Attention, attention. Le Stone Rock Show débarque sur Stone Rock Radio. Veuillez rentrer chez vous et allumer votre web radio. Salut à toi amis du rock, bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission Dirty Rock Party Show que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes. Mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classique rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et krautrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également des beaux morceaux soul et reggae. Alors, au programme de ce Stone Rock Show, épisode 22, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock et de la Peel Session. Alors, si t'es chaud, on va commencer tout de suite la première partie, Destroy, avec Identity, chanson du groupe punk britannique X-Ray Specs, sortie en 1978. Le groupe était connu pour sa chanteuse Polystyrene, pour sa musique entraînante et pour ses paroles politiques et sociales. Identity est une chanson qui traite de l'individualité et de l'expression personnelle, abordant les thèmes de l'autosatisfaction et de l'acceptation de soi. La chanson utilise une mélodie répétitive et entraînante pour livrer son message, tandis que la voix unique de Polystyrene apporte une énergie punk à la performance. Je te passerai ensuite Ain't Got a Clue, chanson du groupe punk britannique The Lurkers, sortie en 1977. The Lurkers étaient connus pour leur son punk rapide et enjoué, et pour leurs paroles humoristiques et ironiques. Ain't Got a Clue est une chanson qui traite de la confusion et de la frustration liées à la vie quotidienne. Le refrain « Ain't Got a Clue What I'm Gonna Do » reflète cette incertitude, tandis que la musique rapide et effrénée reflète la frustration que la chanson aborde. On enchaînera avec Nervous Rake, chanson du groupe punk britannique The Nipple Erectors. Le groupe a été actif dans les années 70 et 80 et était connu pour son son punk rapide et enjoué, ainsi que pour ses paroles sarcastiques et ironiques. Nervous Rake est une chanson qui traite de la nervosité et de l'anxiété liées à la vie quotidienne. La musique rapide et effrénée reflète cette nervosité, tandis que les paroles sont ironiques et sarcastiques. Pour info, le chanteur des Nipple Erectors n'était autre que Shane McGowan, qui formera un peu plus tard le groupe The Pogues. Et on terminera cette série avec 14th Floor, chanson du groupe de post-punk britannique Television Personalities. Le groupe a été actif dans les années 70 et 80 et est connu pour son style influencé par le punk, la new wave et le rock psychédélique. 14th Floors est une chanson atmosphérique qui mélange des sonorités jungly de guitare avec des paroles introspectives et mélancoliques. La chanson traite de la solitude et de l'isolement, peut-être en référence à la vie en appartement dans une grande ville. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's Not Dead. Identity. c'est quoi ce bordel ? De votre temps, c'était mieux. Ne me faites pas passer pour plus vieux que je suis, mon petit bonhomme. I'm looking down on London, but there's little I can see, 'cause I'm living so high up, and it looks so small to me. And I'm feeling so frustrated, 'cause the lifts are out once more. And when I get up from work tonight, I gotta climb 40 floors. I say, hey, 40 floors. Oh no, my face don't fit. 40 floors. There's a number on a council list. 40 floors. Oh no, there's nothing. Le Stone Rock Show. L'émission d'Olive. Deuxième partie du Stone Rock Show avec Tank, chanson du groupe de punk rock britannique The Stranglers. Elle apparaît sur l'album Black and White, sorti en mai 1978 chez United Artists. Tank est une chanson puissante et énergétique qui mélange des sonorités de basse et de batterie agressives avec des paroles provocantes. La chanson traite des thèmes de la guerre et de la violence, peut-être en référence à la guerre du Vietnam. Je te diffuserai ensuite Blank Generation, chanson du guitariste et auteur-compositeur Richard L. Elle a été publiée en 1977 sur son premier album solo éponyme. La chanson est considérée comme un classique du punk rock et a été influente pour de nombreux artistes de la scène punk à l'époque. Le titre Blank Generation a été interprété comme une déclaration de la génération de L en tant que génération déconnectée et sans direction, et il a souvent été associé à la culture punk en général. Le style musical de la chanson est caractérisé par une guitare électrique abrasive et des paroles provocatrices. On enchaînera avec Born to Lose, chanson du musicien et guitariste américain Johnny Thunder, qui a fait partie du groupe de punk rock new-yorkais The Heartbreakers. La chanson est souvent considérée comme une pièce majeure de la scène punk de New York et figure sur leur premier album de Thunder and the Heartbreakers intitulé LAMF. Born to Lose est connu pour son riff de guitare simple mais mémorable et ses paroles introspectives sur la vie et les relations amoureuses. Et on terminera cette série avec le Wire de la semaine, Being Sucked In Again, extrait de l'album Chair Missing sorti en 1978. I can sell for one, two, or three, or four. dis donc, Jamie, qu'est-ce qu'elle est bonne! Oh! Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olive à l'antenne pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du bon son rock passé sur les radios british en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie du Stone Rock Show avec The Taster, titre du groupe Alan Clayson and the Argonauts, groupe de rock britannique formé dans les années 70. Ils étaient considérés comme faisant partie de la scène musicale de la pub rock de Londres. On enchaînera avec The Taster, et oui, même titre, mais pas même interprète, ni la même version. Cette fois-ci, c'est Wild Man Fisher, musicien américain de l'ère punk new wave, connu pour sa musique décalée et ses paroles surréalistes. Il est considéré comme l'un des premiers artistes de l'underground de Los Angeles et a influencé de nombreux musiciens de la scène punk. Je te passerai ensuite à I'll Be Waiting de Robert Johnson, pas le bluesman mais le rocker américain. Ce titre est extrait de son premier album studio Close Personal Friends, sorti en 1978 chez Infinity Records. Et on terminera cette série avec un petit reggae, Kaya de Winston Jarrett and the Righteous Flames, sorti en 1978 en single sur le label Tony Shabazz. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't nothing but a hound dog, barking all the time. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. They said you are high class, that was just a lie. They said you was high class, that was just a lie. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. friend of mine. En général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Come on, let's do the taster. When my love was so braster, when the things of the past were just as good as the rap. As well, I knew a girl, just a one certain girl, who taught me the taster, and it's good as the twister. Come on, let's do the taster, when my love was so braster, when the things of the past were just as good as the rest. As well, I knew a boy, just a one certain boy, who goes around making things and all around tasting things. Come on, let's do the taster, when my love was so braster, when the things of the past were just as good as the rest. As well, I knew a nurse, see, just a one certain nurse, see, who goes around putting things in everyone's purse. See, come on, let's do the taster, when my love was so greater, when the things of the past were just as good as the rest. As well, I knew a doctor, just a one certain doctor, who goes around putting things in everyone's doctors. Come on, let's do the taster, when my love was so greater, when the things of the past were just as good as the rest. As well, I knew a cow, just a one certain cow, who'd give his life, oh, just to be an owl. Oh, come on, let's do the taster, when my love was so greater, when the things of the past were just as good as the rest. As well, I knew a cat, just a one certain cat, who'd climb a mountain, oh, just for a rat. Oh, come on, let's do the taster, when my love was so greater, when the things of the past were just as good as the rest. And that is how you do the taster. Oh, now come on, darling. Oh, now let's do the taster. And then that is how you do the taster. Oh, now come on, darling. Oh, now let's do the taster. And then that is how you do the taster. Oh, now come on, darling. Oh, now let's do the taster. And then that is how you do the taster. Oh, now come on, darling. Oh, now let's do the taster. Et du glucose. I'll be waiting, hesitating, for a moment to you. mettre la drogue. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show avec du classique rock méga lourd, des albums mythiques sortis en 1978. On commence avec Sultan of Swing, chanson du groupe britannique de rock Dire Straits, incluse dans leur premier album homonyme sorti en 1978. La chanson est devenue l'un de leurs plus grands succès et l'un de leurs plus grands tubes. Elle est considérée comme une chanson de rock classique et a été largement reconnue pour sa guitare solo emblématique de Mark Knopfler. Sultan of Swing a contribué à la popularité du groupe et a joué un rôle important dans leur succès international. Je te passerai ensuite Miss You, chanson des Stones, incluse dans leur album Some Girls, sorti en 1978. Il s'agit d'une chanson de style funk et disco qui a connu un grand succès commercial et a été l'un des plus grands hits du groupe dans les années 70. La chanson a été écrite par Mick Jagger et Keith Richards et se caractérise par son rythme entraînant, ses percussions électroniques et sa ligne de basse groovy. Elle est considérée comme l'un des meilleurs exemples de la fusion du rock et de la musique funk et disco des années 70. On enchaînera avec A Rock and Roll Fantasy, chanson du groupe de rock britannique The Kinks, incluse dans leur album Misfits sorti en 1978. C'est une chanson mid-tempo qui parle de la quête de la célébrité et du rêve de devenir une star de la musique. Elle est caractérisée par sa mélodie entraînante, ses harmonies vocales et sa guitare électrique puissante. Et on terminera cette série avec Rainbow Over the Hill, chanson du groupe britannique de musique folk traditionnelle The Albion Band. Il s'agit d'un groupe de musique folk formé en 1971 et qui a joué un rôle important dans le revival du folk britannique dans les années 70. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. It's then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Got a young boy, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. Microphone. Say that. are the sultans. We are the sultans of swing. Je viens de vous le dire, je viens de vous dire depuis 1971, est-ce que vous écoutez mes réponses dans le film Mean Street 1973, Martin Scorsese a mis des chansons des Stones, il a pas mis des chansons des Beatles. Enfin écoutez, mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Hello you, hello me, Hello people, we used to be. Isn't it strange? We never changed. We've been through it all, yet we're still the same. And I know it's a miracle we still go. For all we know, we might still have a way to go. Hello me, hello you. You say you're worn out, wanna start anew. Throw in your hand, break up the band. Start a new life, be a new man. But for all we know, we might still have a way to go. Before you go, there's something you ought to know. There's a guy in my block, he lives for rock. He plays records day and night. And when he feels down, he puts some rock and roll on, and it makes him feel alright. And when he feels the world is closing in, he turns his stereo. Living on the edge of reality. Me, look at you. You say we've got nothing left to prove. The king is dead, rock is done. You might be through, but I've just begun. I don't know, I feel free and I won't let go. Before you go, there's something you ought to know. Dan is a fan and he lives for our music. It's the only thing that gets him by. He's watched us grow and he's seen all our shows. He's seen us glow and he's seen us high. Oh, but you and me keep thinking that the world's just passing us by. Don't wanna spend my life living in a rock and roll. Rainbow over the hill, rainbow.

dies when the bosses die. Fall for the race charade and you will pay. White youth. Race and nation, this capitalist creation, mass murder sheep are now King's Road Nazi sheep. White youth, white youth. Cyclone B, a flashback to the past, a manicured hand smashing our glass. The cultured mobsters of the bourgeoisie, the noose gets tighter slowly by darkly. Communication. socially complete. Alienation. Alienation. Socially complete. Alienation. Alienation. Keep their return. Alienation. Alienation. To Coventry. Alienation. Alienation. Nation. Always win. is dead and gone. But that won't stop them from dragging you down. Curtains they can see into. You better close the curtains in case they see you. Hide beneath the window, close to the wall. Count your eyes and close to 10. Je sais pas si je dois vous appeler ami de la musique ou plus simplement ami du rock. En tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.